Mosaïque. Chers auditeurs, chères auditrices de la radio Isanganiro, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous allons parler dans cette émission du dialogue inter-burundais. La médiation burundaise, co-présidée par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, a déjà fixé la date du 21 mai 2016 comme date de la reprise et du dialogue entre tous les protagonistes burundais pour dénouer la crise que traverse notre pays depuis avril 2015. Ces négociations avaient débuté le 30 décembre à Entebbe, en Ouganda. Le gouvernement burundais avait dit que le début n'avait pas été bien préparé et l'avait qualifié d'échec. Ces négociations ont ensuite été ajournées de 2 semaines puisqu'ils étaient programmés le 2 mai 2016, mais n'ont pas eu lieu. Le gouvernement avait dit qu'il n'allait pas répondre à l'invitation parce qu'il n'avait pas été consulté avant de fixer cette date. À cette même date, le CNARED n'avait pas été invité par la médiation en tant que structure, mais les membres des partis qui font partie de cette organisation avaient reçu des invitations. Le gouvernement prône toujours le dialogue intérieur comme solution à cette crise que traverse le Burundi et écarte d'ores et déjà les présumés putschistes sur la table des négociations au moment où une autre opinion dit que le dialogue inclusif apporterait la meilleure solution à la crise sociopolitique burundaise. Qui peuvent négocier? Quel agenda des négociations pour que le Burundi puisse recouvrer réellement la paix et la sécurité? Qu'est-ce que les Burundais peuvent attendre de ces négociations prévues ce 21 mai 2016 à Arusha, en Tanzanie? Voici quelques questions qui feront l'objet de notre débat dans cette émission. Et justement pour ça, nous avons 3 invités autour de nous. Le premier, c'est Léon Singedakumana, président du parti Frodebou et représentant du CNARED au Burundi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous sommes également avec nous au studio Augustin Nzojibwami, président du parti Sangwepader, mais également un allié privilégié du parti au pouvoir. Bonjour. Nous avons un 3e invité au studio et c'est le professeur Evariste Ngaïmenda, membre du parti UPRONA de Charles Litigé. Bonjour. Bonjour madame, nous on est de l'UPRONA de l'opposition, on ne peut pas coller en partie à une personne, okay. Surtout pas l'UPRONA. Et bienvenue également dans cette émission Mosaïque. Mosaïque. Et la première intervention, justement, est accordée à Augustin Nzojibwami. Et je tiens ici à informer qu'on avait souhaité que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, participe à cette émission, mais nous n'avons pas eu Monsieur Augustin Nzojibwami. À l'heure actuelle, comment peuvent se présenter les négociations qui pourraient résoudre réellement la crise socio-politique actuelle au Burundi? Et je vous remercie de me passer la parole, mais avant, je voudrais rectifier un peu l'introduction. Je suis président du parti Sangwepader. Le parti Sangwepader n'a pas fait de coalition avec le parti au pouvoir. Donc tout ce que je veux dire ici, ça n'engage que le parti Sangwepader. Et je voudrais demander que jusqu'à la fin de l'émission, on me traite comme président du parti Sangwepader, sinon... Proche, justement, du parti au pouvoir. Mais proche, c'est-à-dire qu'il y aurait une quelconque plateforme politique. Or, elle n'existe pas. Donc, on est indépendant complètement. Après cette mise au point, passer sur le cadre du dialogue inter-burundais inclusif. Il faut d'abord fixer le cadre. Et ce cadre n'est pas difficile à fixer. Il suffit de consulter 2 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La première résolution, numéro 2248, la deuxième, c'est 2279. Les 2 résolutions disent que ce dialogue doit être inclusif, sont exclus du dialogue tous ceux qui emploient des moyens non pacifiques, c'est-à-dire les insurgés putschistes, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent aujourd'hui au terrorisme en lançant des grenades dans les marchés, dans les arrêts-bus, à droite, à gauche, ceux qui aujourd'hui s'adonnent au massacre des piliers de l'État. Les 2 résolutions sont claires, explicites. Ceux-là ne seront pas invités dans les négociations inter-burundais inclusives mais ils seront invités chez le procureur général de la République. C'est écrit, non, ne rigolez pas, c'est écrit dans les résolutions. Le cas échéant, on pourrait vous montrer les articles. Mm-hmm. Ça, c'est d'abord ceux qui ne participeront pas. Maintenant, les résolutions disent que la médiation avec le gouvernement vont se fixer sur la liste de ceux qui vont participer à ces négociations. Troisièmement, les résolutions disent que l'agenda de ces négociations doit être fixé de commun accord entre la médiation, le gouvernement du Burundi et ceux qui luttent pour des moyens pacifiques. Quatrièmement, je ne sais pas où ils ont trouvé que ça sera à Arusha, parce que les résolutions disent que ça sera à l'extérieur du Burundi. Or, l'extérieur du Burundi, il y a Arusha, il y a Mwanza, il y a Kigoma, il y a Dar es Salaam, il y a Zanzibar, partout. Mais tout le monde dit que ça sera à Arusha. Personne n'a jamais dit que ça sera à Arusha. Et puis, enfin, il y a les dates. Et vous dites que ça sera le 21. La médiation a déjà fixé le 21. La médiation n'a jamais fixé le 21 mai. C'est la médiation qui nous l'a dit. Vous avez lu ça sur Internet? Non. Nous avons contacté la médiation. Ok, on verra si ça sera le 21. Mm. Et là, le débat sera clos. Ce que la médiation a écrit, que nous avons, c'est la troisième semaine du mois de mai. La troisième semaine du mois de mai ne signifie pas le 21 mai, mais à partir du 16 mai, ça devient la troisième semaine du mois de mai. Voir alors ce qu'il faut se convenir, et alors il y aura des négociations. Non, pas des négociations. Un dialogue inter-Burundi inclusif, que certains appellent négociation, mais que nous appelons dialogue inclusif inter-Burundi. Léon Singendakumana, comment aujourd'hui peuvent se présenter justement le dialogue ou les négociations qui peuvent résoudre la crise sociopolitique burundaise? Il faut d'abord nous convenir qu'il s'agit d'une nécessité absolue. Le peuple burundais souffre. Le peuple burundais est confronté à d'énormes problèmes de sécurité, problèmes de cohabitation pacifique, problèmes économiques, problèmes sociaux. Il faut obligatoirement et impérativement qu'on s'engage résolument, sincèrement et franchement, pour mettre un terme aux souffrances de ce peuple. Si on doit travailler effectivement pour ce peuple, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de nous entendre sur quelle est la nature de cette crise que le Burundi traverse. Quelle est son origine, hein? Il faut qu'on s'en convienne. Est-ce qu'il y a une crise? Quelle est la gravité de la crise? Trois, c'est ce que vous avez même évoqué dans votre mot introductif. Qui doivent négocier, qui doivent discuter. Mais enfin, quel est l'agenda? Quel doit être l'agenda? Ça, c'est fondamental. Je me dis que si les Burundais se conviennent sur ça, le peuple burundais sera sauvé. S'ils ne se conviennent pas sur ça et continuent à spéculer, surtout ceux-là qui sont censés être au pouvoir et dans les services de l'État, le peuple burundais sera condamné. Voilà moi comment je conçois. D'abord, il faut qu'on s'entende pourquoi on doit obligatoirement nous mettre ensemble. Alors, qu'on parle de négociation, qu'on parle de dialogue, inclusif ou non inclusif, qu'on parle même de simple conversation, moi, ça m'est égal. Pourvu qu'on ait un cadre où on se rencontre, on pose les problèmes, on discute, on a des compromis, on a des solutions, on va certainement inventer les problèmes que nous avons qu'on doit résoudre, puisqu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes dans ce dialogue. Donc, sur la question d'appellation, de nomination, ça m'est égal, moi, je n'entrerai pas dans le débat sur ça. Si nous aujourd'hui peut entrer dans ce débat, je n'y entrerai pas. Il sait très bien que nous avons passé 2 ans, lui et moi, et les autres avec Ebuyoya, sur ce qu'on appelle concertation. Dialogue, négociation. Mais le peuple burundais était en train de mourir. Le pays était en train d'être détruit. Est-ce qu'on peut encore une fois aujourd'hui, avec cette leçon, se permettre de passer la même période à discuter sur négociation, dialogue inclusif, non inclusif? On aura l'occasion de définir, circonscrire tout cela dans le train. Alors mes enfants, ils parlent de ceux qui seront exclus de ce dialogue. Je ne savais pas si Nzojibwa était toujours humoriste comme dans le temps. Je croyais qu'il avait abandonné tout cela. C'est à lui que Buyoya disait qu'il ne pouvait pas. Il était secrétaire général du parti et le président de notre parti était à Dar es Salaam. C'est à lui qu'il disait qu'il ne, qu'il ne pourra en aucun cas négocier avec les tribalos terroristes génocidaires. C'est-à-dire, ça c'est pire que les putschistes. Ça c'est pire que les putschistes, que celui qui aurait manifesté. À la limite, on peut les comparer à ceux-là qui peut-être qui lancent des grenades ici ou là, mais on ne les connaît pas. Putschiste, il y a toujours un débat. On ne sait pas qui est putschiste et qui ne l'est pas aujourd'hui. Entre ceux qui ont pris les armes multiformes pour détruire l'accord d'Arusha, pour condamner l'accord d'Arusha, et ceux qui ont dit non. Qui sont putschistes et qui ne le sont pas. Peut-être, ça, c'est toujours un débat. S'il fallait exclure des gens dans ce dialogue, s'il fallait exclure des gens, il fallait exclure ce groupe de gens aujourd'hui au Burundi qui a détruit complètement l'accord d'Arusha et la constitution. Parce que les putsch, les coups d'État commencent par là. Par des cons, par l'arrêt. On arrête les constitutions, on dissout les constitutions, on arrête les conventions, on dissout les conventions. Donc, ceux-là même qui sont censés être au pouvoir aujourd'hui ne devraient pas participer à ce dialogue parce qu'ils nous ont plongé dans une crise multiforme avec d'énormes conséquences. Okay. Alors, mais tout ça, on a abandonné, on a laissé. Parce que ce qui importe, c'est de sauver le Burundi et le peuple burundi. Professeur, Je vais continuer puisqu'il a dit beaucoup de choses. Il a parlé de date. Nous allons aborder ça au cours. Si cette histoire de date, il n'y a pas de débat parce que ce n'est pas Ojibwami, ce n'est pas le pouvoir de facto qui fixe la date. La date est fixée de commun accord, comme il a dit, avec les participants. Ça veut dire que le médiateur convoque. Les partis concernés se conviennent sur l'agenda, ils se conviennent sur ce qu'ils doivent négocier, sur ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas le médiateur. Je rappelle, on ne se réfère pas aux résolutions. Les résolutions, ce sont des résolutions. Et ces résolutions n'ont pas aidé les Burundais à résoudre cette crise. C'est nous-mêmes qui devons fixer ce que nous devons négocier et l'avenir de notre pays. Ok, professeur Evariste Ngaïmenda, que pensez-vous être l'image des négociations, des pourparlers ou dialogues, on ne sait pas, qui peuvent apporter réellement la paix et la sécurité au Burundi? Je crois que M. Nzojibwami a déjà répondu à la question, malgré qu'il nous noie dans un sophisme absolument incompréhensible. Il ne peut pas y avoir de dialogue à la fois inclusif et exclusif. Ou il est exclusif, auquel cas, on reviendra sur ce qu'il veut exclure, ou il est inclusif, auquel cas, tout le monde est convié. Et plus précisément, sont conviés ceux que l'on peut considérer comme les protagonistes au conflit burundais. Et au cœur de ce conflit se trouve, de façon générale, la mauvaise gouvernance qui caractérise le système actuel, et de façon plus spécifique, la crise actuelle qui se déroule autour de la problématique du troisième mandat qu'une partie justement de ses protagonistes considère comme illégale et illégitime. Et je voudrais ici que M. Nzojibwami comprenne que s'agissant de la liste des participants, s'agissant de la date, ce ne sont pas des éléments qui doivent être fixés de commun accord entre le gouvernement et la médiation. Dès lors que l'on parle de médiation, on comprend au moins un médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a été sollicité comme arbitre entre parties en conflit. Et dans le cas d'espèce, le gouvernement est une des parties. C'est là même que l'on considère comme étant le cœur du problème. Maintenant, que ce gouvernement veuille être à la fois jugé parti, il nous le dira. Les insurgés, les putschistes, ceux qui utilisaient des armes, sortez un peu sur la chaussée. Vous trouvez partout des armes. Est-ce que ce sont les insurgés qui sont en train de se balader avec ces armes? Est-ce que ce sont les putschistes, que je sache, les putschistes viennent d'être jugés? Il y a des forces de l'ordre qui ont peut-être... Sinon, il n'y a pas de personnes qui tous les jours ramassent des gens. Est-ce que ça sait servir là? Vous savez, retournons un peu en arrière. S'il fallait exclure ceux que l'on considère comme adversaires, je crois que Arusha n'aurait pas eu lieu. Arusha a eu lieu justement entre adversaires, entre belligérants même. Si donc on veut chercher la paix, en entrant ici, quand je parlais avec M. Nzojibwami, il disait on veut la paix. On ne fait pas la paix uniquement avec ses amis ou ses alliés. On fait justement la paix avec son ennemi ou son adversaire. Parlons d'adversaire parce qu'on partage malgré tout un même pays. Dialogue, négociation, je pense que c'est une, c'est un débat qu'on ne peut pas clore et qui, au demeurant, ne nous avancerait pas. L'important, c'est que ce dialogue ou cette négociation soit ouverte. Il appartiendra aux parties prenantes de dire ce qu'ils veulent. Et dans le cas d'espèce, je crois pouvoir dire qu'il s'agit d'un dialogue autour de la problématique de la démocratie de consensus, du retour à la légalité, plus précisément de comment appliquer l'accord d'Arusha et la constitution du Burundi. Ah, Monsieur Augustin Zojibgami, il y a toujours cette polémique autour des gens qui peuvent participer aux négociations. Léon Singendakoumana l'a soulevé tout à l'heure. Le gouvernement a toujours écarté les présumés putschistes. Il y reste aussi réticent en ce qui concerne le CNRED. Et puis, professeur Ngaï Menda dit que le gouvernement est en même temps juge et parti. Je vous remercie de me passer la parole, mais je voudrais d'abord formuler une requête. Mes amis ici prennent les deux tiers du temps pour me taper dessus et moi on ne me donne qu'un tiers qui reste. Pour le plus d'équité, que les deux partagent 50% du temps et moi 50% du temps. Bon, maintenant ça c'est une requête que je formule que vous pouvez m'accorder ou pas. Dans tous les cas, je commence par Léonce. En fait, monsieur Léonce, depuis 20 ans quand on discutait avec Bouyoye, il n'a rien oublié et il n'a rien appris. Parce qu'il y a 20 ans, des putschistes... Mais nous allons centrer notre débat, non pas sur Léonce, mais sur les négociations. Je vais d'abord éclaircir ça. Parce qu'il va faire. Depuis 20 ans, il n'a rien oublié et il n'a rien appris. Depuis 20 ans, il y a des putschistes qui ont renversé les institutions démocratiques. Maïlu, ils ont massacré le président Dada et ses collaborateurs, les parlementaires, les gouverneurs, et ils ont pris le pouvoir. Mais il n'y a pas jusqu'à présent d'enquête qui indique qui a fait quoi dans ces événements. Alors, s'il n'y a pas d'enquête, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là, Dada est là ou les autres sont là. Non, on ne sait pas. Ça, ce sont des faits, on n'en discute pas. Ce sont des faits qui sont là. Et alors, le premier communiqué qui est passé à la radio disait, c'était le lieutenant-colonel Sinalinze Mamère qui disait que toutes les unités de l'armée et de la gendarmerie se sont rebellés contre les institutions démocratiquement mises en place. C'était ça la première phrase. Maintenant, qui était rebelle en fait? C'était ceux qui défendaient la démocratie ou c'était ceux qui venaient de renverser les institutions? Alors, à ce moment, moi avec les gens, on était ensemble, on a tout fait pour chasser Bouyoye du pouvoir. Maintenant, 20 ans plus tard, il y a des institutions mises en place démocratiquement. Et il y a des putschistes, insurgés, terroristes, qui veulent les chasser du pouvoir. Et ils continuent exactement le même langage d'il y a 20 ans, sans voir que maintenant, aujourd'hui, on est dans un cadre de combat à front renversé. Comment le peuple va-t-il accepter que les putschistes vont prendre le pouvoir parce que seulement ils ont la force de la violence? Mais Léon, c'est quand même à écrire, c'est quelque chose de fondamental. Il a dit que les résolutions 2248 et 2279, ça ne les engage pas. Eux, c'est le pouvoir, quoi qu'il arrive. Que sinon, que ce qui est écrit là, c'est des chiffons. Ce n'est pas la même chose pour nous. Pour nous, c'est clair, ces résolutions nous engagent. Et ces résolutions sont très claires. Il faudra exclure du dialogue inter-burundais tous ceux qui emploient la violence pour trouver des solutions. Là, c'est écrit dans ces résolutions. Mais dans après ça, alors. Oui, mais dans l'entretemps, il y a la communauté internationale qui prend toujours un dialogue inclusif. Est-ce qu'il existe une communauté internationale au-dessus du Conseil de sécurité de l'ONU? Vous la connaissez? Ça n'existe pas. Et les Nations Unies aussi prennent un dialogue inclusif au Burundi. Mais est-ce que je vais vous lire les résolutions? Ils disent qu'il faut un dialogue inclusif, inter-Burundi inclusif, sans pour ceux qui emploient des moyens pacifiques. Le mot pacifique revient à chaque paragraphe, le mot pacifique revient. Et ils sont clairs aussi, ils demandent au gouvernement Burundi, en place aujourd'hui, de traduire en justice tous ceux qui se sont adonnés à ces violences. C'est dans chaque phrase qu'on lit ici, le mot pacifique et le mot justice, ça revient chaque jour. Maintenant que on dit qu'il y a 20 ans, on a appelé tout le monde. Qui était Robert, qui n'était pas Robert. Mais puisqu'il fallait passer par Arusha pour chasser Bouyoye et sa clique, on ne pouvait que passer. Mais s'il y avait moyen de le renvoyer rapidement, Et la population aurait applaudi. Alors, là, c'est clair. Moi, ce que je dis, je lis ça dans cette résolution. Mais celui qui dit que ça ne l'engage pas, c'est à ses risques et périls. Parce que là aussi, il risque d'être... D'avoir une invitation chez le procureur général de la République. Bon. Maintenant, revenons sur le professeur Ngayimpenda. Le professeur Ngayimpenda, je ne sais pas quand il est né. Est-ce qu'on ne peut pas revenir sur le débat et non pas sur le professeur? Ok. Mm-hmm. Revenons sur le débat. Ouais. Depuis l'indépendance du Burundi, chaque fois qu'il y a eu des élections, il y a eu des massacres. Et ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat, ça n'avait rien à voir avec la Cour d'Arusha, ça n'avait rien à voir avec la Constitution. Kwagasore et ses enfants ont été massacrés et 25 jours après la prise du pouvoir. En 65, les élections ont lieu le 10 mai. La même année, tous les bureaux de l'Assemblée du Sénat sont massacrés. 70% des parlementaires des sénateurs sont massacrés. Est-ce qu'à l'époque, on peut parler de accord d'Arusha ou constitution. Après, c'était les coups d'État qui se sont succédés. Là, il y a eu des crimes contre l'humanité et des génocides. Les élections suivantes, c'était au mois de juin 1993. Ndadaye a gouverné 101 jours. Après, il a été massacré avec tous ses collaborateurs. Les élections suivantes, c'était en 2005. Quelques mois plus tard, il y a un complot a été déjoué, le complot qu'on a appelé Ndayizeye Mugabarabona. En 2010, les élections qui ont suivi, ils ont lancé 51 grenades dans les cabarets et au marché pour que les élus ne gouvernent pas. Maintenant, la seule différence, en 2015, c'est de dire qu'il n'y aura pas d'élection. Léon Sengendakouman, qui est ici, a écrit à Ban Ki-moon au mois de février 2014, qu'en 2015 au Burundi, il n'y aura pas d'élection, il y aura génocide. Il a écrit une lettre, la lettre est là. Maintenant, il fallait monter la presse nationale, internationale, mensonges, rumeurs, Kiribaonde, Sirukoti, et ainsi de suite, pour aboutir là où on a abouti, où à partir de mensonges, des rumeurs, des gens sont morts et continuent à mourir. Alors qu'ils savent très bien, ils savent très bien, et là je m'engage, ils ne pourront jamais, au grand jamais, démontrer que l'accord d'Arusha a été violé, même une seule ligne, même un seul point, encore moins que la Constitution aurait été violée. Ils ne le pourront jamais, je m'engage et je répéterai toujours, ils ne le pourront jamais. C'est vraiment ce qu'ils disent, ils savent que ce n'est pas vrai, mais il faut quand même. Mais il continue à le dire. Et malgré ça, il y a des. Malheureusement, il y a des morts chaque jour. Léo Sengendakoumana. Parce qu'il continue à parler le même discours, le même langage. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'entrer dans cette longue histoire qu'il est en train d'évoquer face au peuple burundais qui souffre, face à un pays qui est vraiment qui descend dans les enfers? Mais ce n'est pas possible. Je dis, sur cette question-là, je le concède. Je ne sais pas s'il est devenu historien. Mais ce que je veux, moi, ce sont les résultats pour mettre un terme à ces violences. Il faut qu'on discute sur comment mettre un terme à ces violences qu'on observe dans le pays. Alors, évoquer un coup d'État de 1993, il a ajouté d'autres coups d'État, notamment récemment, en mai 2015. Mais à quoi ça nous sert à quoi? Tout ça c'est chaque jour, c'est ça qui est dit sur la radio nationale, c'est ça qui est dit par le pouvoir, c'est ça qui est dit par les partis satellites au pouvoir comme le sangue pader. Justement, nous n'allons pas nous perdre dans ces polémiques. Et nous allons évoluer. À moins que vous acceptiez que vous représentez le pouvoir de facto ici à Bujumbura. Ça, on va vous concéder même 80% pour que tu donnes des propositions de ce pouvoir pour la sortie de cette crise. Ok, justement, on va évoluer, on va parler autre chose. Ce qui est certain, c'est que ce qui doivent négocier, c'est par rapport à la négation de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Et on n'a même pas besoin de démontrer ça. Ça crève les yeux, c'est évident. Sauf pour lui, évidemment. Les yeux sont fermés, son esprit est fermé. Mais c'est évident. Cette négation de l'accord d'Arusha, je peux démontrer que depuis le premier protocole jusqu'au cinquième, que ça a été systématiquement violé. Mais probablement que ce n'est pas le moment de le faire. Mais je peux lui demander. Prenons par exemple le premier protocole. Le premier protocole disait qu'aucun gouvernement du Burundi ne peut plus recréer les causes historiques du conflit burundais. Et voilà, 20 ans après, un pouvoir dit élu est en train de recréer, mais de commettre des crimes énormes, politiques, économiques. Mais mes chers amis, les négociations se feront entre en bloc, dont Jibouane, évidemment, dont Sangoupader, qui pense qu'il y a la paix et la sécurité dans le pays à 99,9%, et d'autres qui pensent qu'il n'y a pas de sécurité dans ce pays. Et je peux le démontrer aussi, en commençant par le président de la République lui-même, comment il se déplace, comment il vit. Je peux démontrer qu'il n'y a pas de, que la sécurité est au bas de l'échelle, à zéro. Oui. Lui-même, il a dit qu'il y a des grenades qui sont lancées à gauche, à droite, et qu'on tiraille à gauche, à droite. L'autre a dit que le Burundi est plein d'armes. De ces résolutions. C'est pourquoi ces résolutions? Mais justement, c'est parce que le Burundi est en crise. Est-ce que les négociations, où est-ce qu'il y a, il peut y avoir un retour de la paix, justement, quand on exclut ces gens? Pas du tout, il le sait très bien. Ouais. Mais s'ils étaient capables de ramener la paix, on n'en serait pas ici pour débattre de cette question. Ça veut dire que le pouvoir de facto aurait déjà établi définitivement la sécurité dans le pays. Est-ce que Zojibga, est-ce qu'il y a un retour de la paix probable la confiance dans ce en excluant, justement, ces. Avant de passer. Très bref. Oui, très bref. Je voudrais rappeler à M. Léon ce qu'il sait depuis longtemps. Non, on ne va pas entrer dans ces histoires polémiques. La question est la suivante. Est-ce qu'il peut y avoir justement cette paix? C'est qu'on appelle le pouvoir. Le Burundi peut retrouver cette paix justement en excluant tous ces gens qui lancent des grenades, ces mouvements rebelles. Ce qu'on appelle le pouvoir, par définition universelle, c'est le monopole de la violence légale. Écoutez bien. Violence légale. C'est-à-dire, si on t'attrape en train de lancer des grenades, on t'arrête, on te juge, on te condamne conformément à la loi. Mais tu ne peux pas dire, puisqu'on a arrêté celui-là, moi aussi je veux arrêter mon voisin. Là, ça ne va pas. Okay. Maintenant, dans les premières missions de l'État, c'est d'abord la sécurité de tout le monde. Et il doit se donner tous les moyens pour que tous les citoyens, même les étrangers qui vivent dans ce pays, aient la sécurité. Et il y a beaucoup de moyens. D'abord, il y a les forces de l'ordre et de sécurité. Deuxièmement, ça, si ça ne marchait pas, on peut faire la mobilisation générale. Si ça ne marchait pas, on peut même appeler d'autres pays amis pour venir à votre aide. Mais la sécurité incombe à ceux qui gouvernent. Ça n'incombe pas à une quelconque rébellion. Merci. Maintenant, alors, c'est pourquoi le Conseil de sécurité, dans les deux résolutions, insiste trop. Oui, vous avez insisté sur la résolution du Conseil de sécurité. Voilà, on accorde la parole au professeur Evariste Ngaïmenda. Votre avis? Oui, merci pour la parole. Je voudrais un peu demander à M. Joseph Bouhami d'assumer ici, publiquement, qu'il représente deux organisations. Le PADER qu'il incarne, qu'il a toujours incarné seul, et le CNDD-FDD pour lequel il est en train de parler. Sans cela, il n'y a aucun indicateur sur le terrain qui lui permettrait de dire que le PADER pèse autant que le Frodebo et l'Iprona réunis. Il le sait bien. Maintenant, il vient en fait d'affirmer haut et fort ce qu'il avait toujours refusé d'être. Et désormais, je crois qu'on est fondé, qu'on est là à considérer comme tel. Deuxième élément, Monsieur Zojibouane, vous avez une conception très singulière du pouvoir. Très singulière du pouvoir. Lisez la Constitution. Le Service national du renseignement est chargé de collecter des informations à des fins de gouvernance intérieure et extérieure. Il n'est pas fait pour collecter les hommes. Chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Ces institutions, ce pouvoir, qu'au demeurant, tout le monde sait illégal et illégitime, depuis une année, ne fait que collecter des hommes dans quand des quartiers. Quand vous parlez justement d'illégitime, est-ce qu'il n'y a pas eu d'élection Est-ce qu'on peut vous croire? Ces élections-là ont été qualifiées par tous les observateurs sérieux, d'irrégulières, de non crédibles, en un mot. Et le résultat, on le voit, c'est l'isolement international du Burundi. Donc, on ne peut pas limiter le pouvoir en Léviathan, qui a le droit d'exercer la violence contre vents et marées. Le pouvoir est d'abord fait pour conduire le peuple au développement, au progrès, à l'épanouissement. Le pouvoir ne peut pas se résumer uniquement un instrument de répression gratuite. Et c'est justement cette compréhension singulière du pouvoir qui nous appelle à Arusha. Tout à l'heure, tu contestais Arusha. Dites-nous ce que tu as contre Arusha. Sinon, ce n'est pas nous qui imposons Arusha. Ce n'est pas nous qui inventons Arusha. Quatrième chose, vous parlez des gens que vous voulez exclure des négociations. Cessez de parler de ceux que vous voulez exclure. Parlez plus positivement. Et dites-nous qui vous voulez avoir là-bas. Qui vous voulez avoir là-bas. Et dites-nous avec quel Burundais vous voulez avoir la paix. Si vous ne voulez pas avoir la paix avec vos adversaires, vous voulez avoir la paix avec qui? Parce c'est, que si cette logique avait prévalu à Arusha, je crois que le CNDD-FDD n'aurait pas été autorisé à signer les accords de cessez-le-feu. Pourquoi? Faute d'avoir été à Arusha, parce que justement on fait la paix avec son adversaire. À moins que ces résolutions des Nations Unies aient dit que tout ce monde-là que vous qualifiez de putschistes, vous qualifiez, n'était pas des Burundais. Ils n'avaient pas besoin de la paix. Ne voulez pas la paix. À moins que les Nations Unies aient dit ça. Okay. Ce que je ne crois pas. Laissons-nous aller à Arusha. Les Nations Unies seront là. Elles vont clarifier les résolutions que vous voulez mal interpréter pour des besoins de consommation populaire. Ça, c'est de la diversion. On n'est pas venu ici pour faire une leçon d'histoire. Surtout pas de la fausse histoire. Je ne vois pas en quoi nous avance le rappel des circonstances de l'assassinat de Rwagasore, de l'assassinat de Ndadaye, du coup d'État contre Ndadaye. Nous sommes sur la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire comment recoïncider, comment retrouver dans le fonctionnement de l'État burundais et dans l'organisation de nos institutions, comment retrouver la lettre et l'esprit de la Constitution et surtout de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Isanganiro. Mosaïque. Je rappelle ici à nos auditeurs que vous suivez l'émission Mosaïque, que le débat est centré sur les négociations prochaines prévues le 21 mai à Arusha, en Tanzanie. Quel est l'agenda des négociations à l'opposition, justement? C'est toujours la question de troisième mandat à laquelle la mouvance avance comme un des points qui n'est plus d'actualité. Monsieur Nzojibran. Je vous remercie. Finalement, je comprends pourquoi on ne veut pas parler d'histoire. Parce que justement, en repartant de tout ce qui s'est passé depuis Rwagasore, ça enfonce définitivement le prona que M. Ngaye Mpenda prête à représenter. Mm-hmm. Alors qu'il sait qu'il a perdu le débat même dans la cour d'Arusha. Mais revenons sur le dialogue, justement. Alors, l'agenda de négociation. Ceux qui parlent encore du troisième mandat, tu ne sais pas dans quel monde ils sont. Ça, c'est clos depuis longtemps. Et ce n'est qu'ici que j'entends encore parler du troisième mandat. Deuxièmement, le seul débat qui va être animé à Arusha. C'est justement ce que Ngaye Mpenda ne peut pas comprendre. Chaque fois qu'il y a des élections, il y a massacre des élus. Toujours. Maintenant, en 2020, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas eu massacre des élus. Quand comment même. Il y a une insécurité un peu généralisée, il n'y a pas de massacre. Il y a massacre des piliers de l'État, il y a tentative de putsch, il y a. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas massacre des élus? Tentative de les massacrer, mais ils ont échoué. Après avoir échoué militairement, maintenant il faut qu'ils gagnent par des négociations. C'est ça qu'on va traiter du système. Et sinon, si on ne traite pas ça en 2020, il reste 4 ans. Il faut encore s'adonner au massacre des élus. Maintenant, il faut qu'on brise définitivement ce cercle vicieux. Sinon, l'accord d'Arusha, la constitution, ils ne veulent pas justement qu'on en parle à Arusha parce qu'ils veulent détruire Arusha du 28 août 2000 pour amener un autre Arusha, un autre accord d'Arusha 2. Là, ça c'est Arusha 1, un autre d'Arusha 2 qui détruirait Arusha. Nous nous disons l'accord d'Arusha issu des accords de 28 août 2000 avec Mandir doit être sauvegardé de A à Z. Maintenant, ce qu'on va discuter, c'est ce qui n'est pas dans l'accord d'Arusha. Mais ils disent, alors que tout le monde dit à l'extérieur, ils disent non, à Arusha pour détruire définitivement cet accord-là. Là, nous sommes contre. L'honorable Léonce Ngendakoumana, est-ce que vous allez encore parler justement de cette question de troisième mandat, justement que l'on considère comme dépassée? D'abord, je dois le féliciter. Le remercier est en train d'évoluer quand même un peu. Puisqu'il vient de confirmer qu'ils iront à Arusha pour parler de XY question. Ça, c'est déjà une évolution, c'est une étape. Il ne faudra pas que demain, après demain, on les entende dire on n'y va pas. Ça, j'ai dit qu'on va y aller. C'est ce que j'ai cru comprendre. En disant qu'on va vous aller. Vous comprenez mal, j'ai dit qu'on voulait qu'on aille à Arusha pour détruire. Vous avez dit que vous irez parler. Vous avez dit que vous irez là-bas pour parler, effectivement, d'empêcher aux gens de détruire l'accord d'Arusha, parrainé par fait président. Vous comprenez très mal. Nous irons à l'extérieur. J'ai compris. J'ai compris. La parole est à. Vous avez fait à l'absus lingué. Non, vous avez un problème de compréhension. La parole est accordée à C'est injuste. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Y aller ou ne pas y aller. Tu n'es pas concerné. C'est drôle. Tu seras représenté par le pouvoir de facto. Tu seras dedans. Ce sont ceux-là qui savent ce qui va se passer. Ou peut-être qu'il a déjà une invitation. L'histoire de date, l'histoire de lieu. Bon, ceux-là, ils le savent. Quand vous allez quitter ici, il faudra aller leur poser la question. Si le 21, si la délouille, si la GEDA. Alors maintenant, moi, qu'est-ce que je veux en fait dans tout ceci? Ce que je veux, peut-être troisième mandat. Il n'y a pas de débat sur le troisième mandat. Si du moins les gens croient dans la Constitution et dans l'accord d'Arusha. Mais ceux qui ne croient pas dans la Constitution et dans l'accord d'Arusha, ils peuvent dire qu'il y a un troisième mandat. D'abord, je dois dire qu'il a dit que je parle le même langage que le professeur Ngaïmena. Si c'était question de dire qu'il y a d'élections, ça, on diverge. Il n'y a pas encore eu d'élection conforme à l'accord d'Arusha et à la Constitution. Il n'y en a pas eu. Il y a un coup d'État contre la Constitution et l'accord d'Arusha. Voilà, nous sommes en train de vivre les conséquences de ce coup d'État constitutionnel. Mais justement, la Cour constitutionnelle donc, avait dit que... Donc, il ne faut pas aller parler de troisième. C'est la violation, c'est le rejet de l'accord d'Arusha. J'ai dit que le premier protocole, par exemple, ce pouvoir de facto pratique l'exclusion. Ce pouvoir est en train de pratiquer les divisions multiformes. Ce n'est pas seulement ethnique comme... ce fut le cas dans l'OTAN. Maintenant, des divisions politiques aussi, aux divisions multiformes. Ça, c'est la violation, si on prend les deux uniquement. Ça, c'est déjà la violation de l'accord d'Arusha. Et c'est très grave. C'est procéder à l'exclusion, aller constater dans le premier protocole de l'accord d'Arusha. L'exclusion s'accompagne des génocides, ou du génocide. Alors, maintenant, ils sont en train de pratiquer ça. Ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Deux, en détruisant les piliers de la démocratie, tous les partis politiques, à commencer par le parti CNDD-FDD, sont détruits, systématiquement détruits et épurés. Il n'y a pas un parti politique digne de nom dans ce pays. Est-ce que ça a à voir avec le troisième mandat? Les médias ne fonctionnent plus. Ne croyez pas que vous êtes en train de fonctionner, mais ne faut pas croire que tous les médias fonctionnent. La société civile ne fonctionne plus. Il a parlé de la bonne gouvernance. Est-ce que cela a lieu avec le troisième mandat? Toutes ces questions. Alors, l'armée, la police sont en train d'être détruits. C'est le troisième protocole. Ce que je disais, c'est pour le deuxième protocole. La reconstruction du pays. Allez voir l'économie du pays. Comment est-ce qu'on va reconstruire ce pays? Ça n'a rien à voir avec le troisième mandat, les questions que nous allons poser là-bas. Ça crée à l'accord d'Arusha. Parce que toutes ces questions concernent la vie des citoyens. Le troisième mandat, ça ne concerne que eux qui cherchent là-dedans. Je pense un travail, un peu d'argent. Quelque chose comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de débat sur le troisième mandat. Ça n'existe pas. L'accord d'Arusha et la Constitution sont très clairs à la matière. Il n'y aura pas de débat là-dessus. Ok. Professeur, terminé. Alors je dis, est-ce qu'il y a crise, oui ou non? Est-ce qu'il y a crise, oui ou non, au Burundi? Est-ce qu'il y a insécurité, oui ou non, dans le pays? Il faut qu'il nous réponde à ces questions. Est-ce que le pouvoir actuel est capable de maîtriser la situation actuelle? Justement, est-ce qu'il y a crise, est-ce qu'il n'y a pas crise, Évariste Ngaïmena, votre réaction là-dessus? Bien, avant de réagir à cette question, je voudrais d'abord faire deux ou trois mises au point. La première mise au point que j'adresse à M. Zojibrami, je n'ai pas peur de l'histoire. Je n'ai pas peur de l'histoire au motif que l'histoire enfoncerait l'Uprona. Et si tu veux, M. Zojibrami, qu'on parle d'histoire, je pense que je suis prêt à t'affronter. Félicitations. Et à voir où le pays en est, je crois que l'histoire du Burundi grandit plutôt l'Iprona. Et votre erreur, votre faute, c'est justement de n'avoir pas compris et justement, que l'Iprona était utile pour ce pays. C'est ça votre premier péché. Deuxième considération, je voudrais aussi l'inviter à être moins cynique. Dire que les élections s'accompagnent toujours du massacre des élus. et qu'il en est encore aujourd'hui, qu'il en est encore ainsi aujourd'hui, je pense que c'est assez cynique au vu de ce qui est en train de se passer dans le pays. Il y a, M. Nzojibwa, mais si tu n'habitais pas ici, il y a massacre des opposants, plus particulièrement des Tutsis, perçus comme des opposants par nature. Ça se vit au quotidien, c'est un drame qui se vit au quotidien, qui est de constat par la communauté universelle. Je crois que je n'ai pas honte de le dire. Est-ce que justement, les gens qui meurent ne sont pas de tous les ethnies? Je l'ai dit, madame. Mm-hmm. J'ai dit qu'il y a massacre des opposants, et plus particulièrement des Tutsis, qui sont perçus comme des opposants mm-hmm. par principe. Okay. Mm-hmm. Voilà. Est-ce qu'il y a crise ou pas? Je vais laisser d'abord parler de l'opposition. Okay. Monsieur Nzojibwa, ouais. Tu es très apparenté au parti au pouvoir. Quand même. Je répète de suite. Attends, laisse-moi terminer. Je peux répéter. Laisse-moi terminer. Tu l'as démontré, il ne m'appartient pas de te dédire. Où est l'ancien président de l'Assemblée nationale? Où est l'ancien deuxième vice-président de la République? Où est l'ancien porte-parole du CNDD-FDD? Où est l'ancien porte-parole du président de la République? Je ne parlais pas des généraux. Les anciens chefs d'État. Et c'est pour la toute première fois dans l'histoire du Burundi qu'il y ait une aussi grave déchirure au sein d'un parti au pouvoir. Lorsqu'il se produit une aussi grave déchirure au sein d'un parti qui est au pouvoir, on peut s'imaginer ce que est devenu son opposition. Tout le monde est témoin de ce qu'en dit le FNL, tout le monde est témoin de ce qu'en dit l'IPRONA, de ce qu'en dit le MSD, de ce qu'a enduré le Frodebou. Alors, lorsque l'éclatement de tous les segments de la nation, jusqu'aux équipes de football, jusqu'aux clubs de musique, en passant par les syndicats, chaque fois que les étudiants à l'université du Burundi et dans les universités privées veulent élire leurs représentants, il y a toujours le nez du pouvoir qui veut imposer des représentants. Les associations des caféiculteurs, c'est pareil. Alors, est-ce qu'il y a crise ou pas? Il y a crise majeure. Il y a crise extrêmement grave. Il y a une crise qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de ce pays. Est-ce qu'il y a crise ou pas, Augustin Zojeba? Mais il faut quand même féliciter M. Léonce qui vient de faire des progrès énormes en reconnaissant qu'il n'y a jamais eu de problème de troisième mandat. Quand même, ça c'est un grand problème. Maintenant, la question subsidiaire. Pourquoi avez-vous jeté dans la rue cette jeunesse en leur disant qu'ils vont défendre leurs droits parce qu'il y a eu un problème de troisième mandat? Alors que vous saviez très bien et vous venez de l'avouer publiquement qu'il n'y a jamais eu de troisième mandat. Et j'ai démontré pourquoi. Bon, la question, peut-être d'autres vous la posent, mais quand même, je vous remercie. Est-ce qu'il y a crise ou pas? On évolue. La grande crise que nous traversons a été un montage fait depuis 2011-2012, aidé par une certaine presse, aidé par des partis politiques de l'opposition, aidé par une certaine société civile, aidé par certaines confessions religieuses, et ce mensonge a pris des dimensions terribles. Et l'aveu officiel, c'est l'aveu de Léonce qui dit qu'il n'y a jamais eu problème de troisième mandat. Maintenant, la grande crise qui existe, une crise morale. Une crise morale terrible. Mmh. Comment on peut parler dans de crise morale quand il y a des gens qui meurent chaque jour? Mais oui, là-bas, c'est la crise morale. Comment d'anciens chefs d'État, d'anciens vice-présidents de la République, d'anciens présidents de l'Assemblée, des archevêques, tous des gens très très intéressants, des journalistes, peuvent tous mentir qu'il y a un problème de troisième mandat, alors qu'ils savent très bien qu'il n'y en a pas. Et la conséquence a été tous ces jeunes massacres. Justement, on les envoie contre des camps militaires, on les envoie contre des policiers, on les envoie contre des civils. Là, ça c'est la conséquence de cette crise morale terrible qui est le mensonge monté artificiellement par des lobbies qui se trouvent à Bruxelles mm-hmm. et des lobbies qui se trouvent à Washington. et de part en pays voisin. Voilà. Justement, nous cheminons vers la fin de cette émission. Et voilà, en commençant par vous, Augustin Zojibami, quelle est la voie de sortie de cette crise burundaise? La voie est simple. Ce qui crée l'insécurité, il faut prendre toutes les mesures immédiates, efficaces, pour protéger tout le monde. Si ce n'est pas possible, appelez de l'aide. Mais l'autre débat sur le dialogue dans les états modernes est permanent. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui à notre en 2000. C'est permanent. C'est pourquoi au Burundi, on a même créé le forum permanent de dialogue des partis politiques qui fonctionne toujours, mais dont le front debout, aujourd'hui en lambeau, a quitté depuis longtemps. Mais qui n'a rien servi au Burundi, n'est-ce pas? Puisque ceux qui ne veulent pas de ce dialogue ont refusé de venir. Léonce Nguendakoumana, quelle voie de sortie justement de cette crise burundaise? D'abord une clarification. Le troisième mandat ne s'oppose pas dans ce pays pour les raisons que j'ai évoquées. Et j'ajoute à cela une autre raison supplémentaire. Nkurunziza a tenté d'obliger ce troisième mandat. Je ne sais pas si Nzojiba vit dans ce pays. Il a amené discrètement, clandestinement, deux projets d'amendement au Parlement. Un amendement qui exprime la référence à l'accord d'Arusha, puisque cet accord lui empêche de faire d'obliger le troisième mandat. Et l'article 302, qui est une exception à l'article 96 de la Constitution, qui dit que, de manière globale, le chef de l'État burundais est élu suivant son modèle, mais exceptionnellement. Et c'est même expliqué dans l'accord d'Arusha, si Nzojiba ne le sait pas. Pourquoi on a fait cette option, qu'exceptionnellement, il sera élu, le tout premier président de la période post-transition sera élu par le Parlement réuni en congrès, ce qui est tout à fait normal. Le peuple peut s'exprimer soit directement ou indirectement. Indirectement, c'est par le Parlement. Alors, le Parlement a dit non à Nkurunziza. Quand le Parlement dit non, c'est le peuple burundais qui dit non au troisième mandat. Le Parlement a dit non. Quelle date? Ça, on ne revient pas. On sait. C'est que voilà, nous vivons aujourd'hui. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. On sait que la Constitution n'est pas le troisième mandat. Ce n'est pas le troisième mandat. L'Assemblée nationale, oui. Ce n'est pas le troisième mandat. Mais le Parlement n'a jamais dit. Laisse-moi, je vous ai laissé parler. Mais le projet n'a pas été amendé ce jour-là. Ça a été rejeté. Il n'y avait pas de quorum. Ça, c'est ton problème. Différent. Ça a été rejeté. Le président de l'Assemblée nationale a dit que c'est rejeté. Le président, c'était Pile Hadjou Hanimaro Fronde. Votre ami. Ça n'a rien à voir. Il était encore président. Il n'y a pas donc, eu de. Vous comprenez? C'est peut-être pour démontrer que. Il n'y a pas. Sauf si. Bon, si on ne croit, si on croit plus au peuple burundais, oui. Le peuple burundais a déjà dit le troisième mandat. Comment voulez-vous que j'entre dans un débat comme ça? Moi, je crois au peuple burundais. Depuis quand? Ça ne te concerne pas. Justement, on est en train de voir quelle serait la sortie, justement, de cette crise. Alors, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je l'ai dit, la négation de l'accord d'Arusha et de la Constitution a eu comme première conséquence, effectivement, le coup d'État constitutionnel, qui est le troisième mandat. C'est ce que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Et ce coup d'État constitutionnel s'est accompagné de beaucoup de problèmes. Notamment, nous avons des institutions, si on doit parler entre guillemets, évidemment, illégales, illégitimes, non crédibles. Nous avons une armée et une police qui sont en train d'être systématiquement détruites sur fond politique et sur fond ethnique. Troisièmement, nous avons la création et l'entretien d'une milice Imbonerakure. Quatrièmement, il y a deux mouvements politiques armés qui se créent en réaction, notamment Rufurebu, le raid de Tabara. Il y a un autre truc dont on a, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais demain peut y avoir d'autres si on continue à laisser la situation évoluer de cette manière. Quatrièmement, regardez l'économie du pays. En descendant de zéro, à zéro, c'est l'arrêt de la vie. À zéro, c'est l'arrêt. Maintenant, nous sommes au-delà. On parle de moins 2,3, mais les experts m'ont dit que c'est moins 5. Comparé au Rwanda voisin ici, 7,4. Ça veut dire que la différence entre le Burundi et le Rwanda, si le taux de croissance économique, c'est de 9. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que ça signifie? Un taux négatif de moins 5. Ça n'existait pas. C'est une nous sommes dans une récession, en fait. Dans une phase de récession. On n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est dans l'ensemble. On est dans l'ensemble des nombres naturels. Justement, on évolue vers la solution. Oui, vous comprenez. On est dans le regardez la relation entre le Rwanda et le Burundi. Il en a parlé de manière directe. Vous savez. Tu l'as évoqué aussi. Regardez la relation entre le Burundi et le Rwanda, entre le Burundi et la Belgique. Le Rwanda a des amis, ça veut dire entre le Burundi et les amis, et le Rwanda et ses amis, entre la Belgique. La Belgique a des amis, regardez l'Union Européenne, c'est entre le Burundi et l'Union Européenne, etc. etc. C'est très grave. Donc, comme voie de sortie, évidemment, Dieu merci, la voie est déjà tracée. Mm-hmm. C'est sur ces prochaines négociations. Nous, on sera présents et nous avons des propositions rapides. Mm-hmm. Nous allons d'abord démontrer qu'il n'y a pas de conflit entre ce qu'ils appellent dialogue inter-burundais, interne et externe. Mm-hmm. Ils viennent de le dire bien. Mm-hmm. En fait, le dialogue inter-burundais, c'est permanent. C'est permanent. Et ça a été consigné dans la Constitution et dans la coordination. Si vous regardez comment les institutions du Burundi sont créées, ont été créées, comment c'est organisé, la composition, si tu ne sais pas dialoguer, si tu ne peux pas écouter les autres, tu ne peux pas diriger ce pays. C'est ce qui a manqué au parti CNDD-FDD et ses satellites comme le parti de l'Ossangotader. C'est ce qui a manqué. L'impossibilité d'affronter les autres et débattre. Alors maintenant, je suis très heureux que la voie a été tracée. Si vous ne voulez pas bloquer le peuple burundais dans d'énormes souffrances, allez conseiller à ces gens qui te conseillent de répondre. C'est ça la solution. Sinon, l'agenda, et sinon, ceux qui doivent négocier, on va le faire. Ça veut dire qu'on prendra un mois ou deux pour négocier l'arrêt des violences, le rétablissement des piliers de la démocratie, ça veut dire l'accord d'Arusha et la constitution, le rétablissement des piliers de la paix, les partis politiques, la société civile, les médias, pour fonctionner, pour permettre aux bienfaiteurs, aux bailleurs de fonds, si vous voulez, les affaires des bienfaiteurs aussi pour le Burundi, pour quand même décaisser un peu d'argent. Nous sommes étouffés, nous sommes... demain, le Burundi ne va plus fonctionner, il va y avoir un désordre social. Ces jeunes Imbonerakure, s'ils ne reçoivent plus de l'argent, ils vont attendre d'aller chercher de l'argent chez Ojibwami. Mais Dieu tira ici aussi des hommes armés. Ça sera extrêmement grave. C'est une guerre qui va être de cette manière. Oui. La solution a été trouvée. Donc, la voie de solution, ce n'est pas la solution, a été trouvée, c'est le 21. Nous sommes prêts, nous allons répondre. Et nous avons un projet en deux phases. Une phase extérieure pour mettre en place un dispositif favorable à la vie au Burundi, à la cohabitation au Burundi. Et puis, on va rapatrier cela après un mois ou deux, si les gens sont de bonne foi. Moi, je pense que les négociations peuvent même durer une semaine, si les gens sont de bonne foi. Moi, j'y crois. Venez si vous voulez que le peuple burundais soit sauvé. On va clôturer ce débat, professeur Evariste Ngaïmenda. Quelle serait, selon vous, la voie de sortie à cette crise burundaise? Je vais d'abord faire deux ou trois considérations encore une fois. Je voudrais faire une invite à mon collègue Nzojibwami. L'invité à se respecter. C'est très important. Compte tenu de son âge, de son rang, je l'invite à se respecter. Tu ne peux pas nier des évidences. Quelle évidence? Le projet de révision constitutionnelle initié par le pouvoir CNDD-FDD a été rejeté publiquement par l'Assemblée nationale siégeant très régulièrement et représentant tout naturellement le peuple burundais. Ça, c'est un. Deux, tu sais très bien les conditions dans lesquelles la Cour constitutionnelle qui allait statuer sur l'illégalité de l'éligibilité de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, tu sais très bien dans quelles conditions elle a été. Et elle a été obligée de délibérer dans des conditions absolument irrégulières. Ça, c'est de notoriété publique. Pourquoi? Parce que votre problème aujourd'hui, c'est le rejet de l'accord d'Arusha. C'est le rejet de la Constitution. Pourquoi? Parce que ça vous gêne. Ça vous gêne pourquoi? Parce que ça vous contraint à une gouvernance régulière. Alors que vous voulez gérer le Burundi comme on gère sa propre poche. En fait, vous avez perdu de vue que le CNDD-FDD, ce n'est pas le Burundi, ce n'est qu'un parti parmi la multitude d'autres partis. Et cela transparaît à travers les mises en scène qu'organise la fameuse Commission nationale de dialogue interne. Vous préparez des gens, on est Burundais, on connaît les Burundais, on connaît surtout le Burundi. Vous préparez des gens qui n'ont jamais touché à un papier, qui égrènent des articles entiers de la Constitution, des dispositions entières de l'accord d'Arusha, et comme par hasard, ils s'attaquent tous et systématiquement à tout ce qui a trait à l'interdiction du renouvellement des mandats. Systématiquement. Vous voulez une présidence à vie. Je voudrais vous rappeler que la limitation du nombre de mandats n'est même pas une recette d'Arusha. ça remonte à la constitution de 1992. Allez lire. Et les Burundais ne sont pas allés à Arusha pour faire une régression institutionnelle. On n'est pas allé à Arusha pour faire marche arrière. On est allé à Arusha pour avancer. On est allé à Arusha pour avancer. Maintenant, est-ce qu'on est en train d'avancer? Se tient un forum mondial de l'économie ici à côté. Je n'ai pas le sentiment que le Burundi est représenté. Qu'est-ce qu'on cherche au fait? Pendant ce temps, la faim, la maladie, la misère. Et monsieur Zogiwa, peut-être que tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais qu'ici à côté, à moins de 3 km d'ici, il y a deux ponts qui sont coupés depuis 3-4 mois? Et que les gens ne savent plus arriver au service à l'heure? Que les écoliers ne savent plus arriver à l'école à l'heure? À cause des embouteillages? Maintenant, tu égrènes un peu la liste de vos adversaires. C'est Bruxelles, c'est Washington, c'est Kigali. C'est la société civile, c'est la presse, c'est l'opposition, ce sont les confessions religieuses, ce sont les journalistes, ce sont les archevêques. Je vais encore une fois t'inviter à parler plus positivement. Qui sont vos alliés? Qui sont vos alliés? Bruxelles vous a nourri pendant de nombreuses années. Washington, mêmement. Qui sont maintenant vos nouveaux nourriciers? Appelez-les qu'ils viennent nous faire les ponts, qu'ils viennent nous remettre les bourses. On termine, Finalement, je comprends l'ampleur de la crise burundaise, mais c'est terrible. Voir un prof d'université, qui enseigne à nos futurs intellectuels, qui est même recteur. Il m'apprécie les étudiants. Mais désormais, ils ne vont plus vous apprécier. Pourquoi? Le 21 mars 2014, à Kigali, vous venez de dire que le peuple et le parlement a rejeté l'amendement de la Constitution. Alors que vous savez que pour une loi ordinaire, le quorum, c'est 2/3. Ça, c'était un débat sans objet. Non. Alors, qu'il vient de mentir, c'est sans objet. On clôturait, vous avez deux secondes pour terminer. Parce que vous avez tort. Bon, le quorum pour amender la Constitution, c'est 4/5. Et ça, 4/5 était dans la salle. Pas du tout. 4/5, c'était 85. Dans la salle, il y avait 84. Vous étiez là? Non. Vous étiez là? J'étais là. C'est public. Bon. Les amendements dont nous avons passé. Les deux amendements dont nous avons passé. Ce n'étaient pas les amendements dont vous avez. Justement, nous n'allons pas justement rester à parler justement de ces amendements. Ce n'est pas Nkurunziza qui a pris l'initiative. C'est d'abord tous les partis politiques et protagonistes qui ont signé à Kayanza. Sans excuse, ok. Le constat est que le peuple a refusé. Que ce soit des partis politiques, mais le peuple a refusé. Le peuple a refusé dans votre tête. Il n'y a jamais eu. D'ailleurs, la proclamation a été laquée. Justement, on ne va pas retourner dans ce débat. On ne va pas retourner dans ce débat. Augustin Zogibami. Et pourquoi les amendements n'ont pas passé? C'est ça la fraude, la première fraude que vous essayez de propager. Messieurs les invités, permettez-moi justement de terminer cette émission. Je n'ai pas terminé. Je vous avais accordé 2 secondes pour terminer, mais voilà. Il a terminé. Sur 3 ans, c'est que Léon ne sait pas. Mais il l'a oublié. Okay. On ne le diffère jamais sur le passé. Mm-hmm. On le diffère pour l'avenir. Mm. L'article 302 était passé. C'était la première période post-transition. En fait, il fallait l'effacer en 2010. Maintenant, à la première occasion, il fallait l'effacer. Mais n'allez pas faire croire aux gens que c'était une manœuvre pour. D'ailleurs, vous l'avez même reconnu. Il n'y a pas de premier et de troisième mandat. Il n'y en a jamais eu. C'était un prétexte. J'ai donné les raisons. Deux raisons majeures. C'était un prétexte pour massacrer des élus. Justement, le débat est clôturé et je remercie Monsieur Augustin. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Même la prochaine fois, s'il y a occasion, je suis prêt. Et justement, je remercie l'honorable Léon Senghenda-Koumana d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, mais je dois dire à Roger Bouami que depuis 1966 jusqu'en 1993, il n'y a pas eu d'élection au Burundi, mais pourtant, les gens ont été massacrés. Ce ne sont pas les élections qui impliquent des massacres. Nous avons souffert pendant 30 ans, il n'y avait pas d'élection. Justement, nous avons clôturé. Aujourd'hui, on est en train de combattre un coup d'État aussi. Nous avons clôturé ce débat. Professeur Évariste Ngaï-Menda, merci d'avoir participé justement à cette émission. Je vous remercie, madame, pour m'avoir invité. Ok, et merci à tous les auditeurs et au revoir. Mosaïque.